Un matin transparent, comme l'eau des fontaines. Un matin d'après l'orage. Un matin, la route est mouillée sous nos pas. Le soleil a semé des miroirs minuscules. La bruyère s'y multiplie. La montagne est violette. Quelques nuages passent au-dessus de nos têtes. Silencieux, fragile, le vent vient du midi. Un matin transparent, comme l'eau des fontaines. Un matin d'après l'orage. Un matin, tu me prends par la main après les trois chemins de chèvre, l'allée de châtaignier près du château, au mur fatigué du siège des saisons. Un homme veille encore, solitaire. Au bout de l'allée, nous nous asseyons. Loin dans la vallée, le village et ses maisons. Tout est si beau, si calme. Seul le bruit de nos souffles et les abeilles. Au pays que je porte en moi, profond mal de l'exil, rêve obsédant de la vraie vie, une chanson me monte aux lèvres. Soudain nous sommes accordés, nous sommes vent, nous sommes terre, nous sommes soleil et fougère, la vie nous éclate en plein cœur. Comme l'eau des fontaines.